Parce que vous autres, vous payez 10$. Mais moi, j'ai l'attention que vous autres, vous payez 10$. Moi, je suis toujours un mur, je suis un radar. Fait que dans votre 10$, j'ai la souffrance de votre 10$. Dans ce que vous autres. Je n'aime pas ça. Moi, si je sortais, tu vas commencer à l'avoir. Je n'aime pas ça entre ça et la relation émotionnelle avec ta politique. Tu connais pas de raison d'être pauvre. Il faut qu'on fonctionne. Mais oui, je le dis aux autres. Je pourrais charger 500$ d'un séminaire et les gens viendraient. Je changerais ma vibration. Je pourrais charger 1000$ d'un séminaire et les gens viendraient. C'est vibratoire. Oui, mais ça, c'est à toi, tu sais. Ben ouais, je t'explique, le principe est le même. Toi ici, t'es vibratoire, puis plus tu vas, plus tu vas être vibratoire. Quand tu viens de la vie, mais quand, puis, hein? C'est dans un stadium au Texas, là, avec des gars qui viennent des Indes, qui se promènent en 747, là. C'est spirituel. Toute la machinerie, tout le gros marketing, toute la grosse patente, là. Toute la grosse forme orientale imposée sur le monde occidental. Mais au moins Billy Graham, c'est évangéliste. C'est psychologique. C'est de la psychologie spirituelle. Tandis que ceux qui nous viennent des Indes, des grosses formes, le gros gars qui se promène avec ses guns et qui envoie de l'amour dans le stadium à 50 000 personnes. C'est de l'amour avec de l'eau rose. C'est le même, c'est fait. Il y a deux guns en plastique, là, il y a à peu près 17-18 ans, là, un gros joufflu, là, qui envoie de l'amour à l'eau rose. Puis tout le monde tombe dans les pommes. Ta réaction, je la comprends. Je la comprends. Parce que je vais dire une chose. Moi, je sais que l'homme, en tout cas dans mon état, moi, l'homme n'a pas besoin de travailler. L'homme ne devra jamais travailler. L'homme devra créer. Mais travailler jamais. Pour se nourrir, payer son logement, payer ci, payer ça. C'est des conditions de la civilisation. Mais toi aussi, il faut que tu manges. Ah, ils vont te le faire comprendre. 17 à 8 mois. Ça peut être 8 semaines. Ça va que je prenne des vacances avant l'hiver. Et puis là. Les formes. Bon, le mot forme, c'est toute l'affaire. C'est toute l'affaire. Puis on peut pas comprendre forme, discernement, volonté du point de vue philosophique. Parce que la philosophie, ça fait partie de l'ego de la philosophie. C'est un jeu pour l'esprit de l'homme, la philosophie. Il se maintient, il se berce là-dedans. Il se meuble l'esprit. Il s'enorgueillise. La vie, c'est pas de la philosophie. Puis l'intelligence, ça appartient pas à l'homme. Ça passe dans l'homme. Tant qu'on comprend pas. Tant qu'on n'a pas compris, on n'a rien compris. Ça passe dans l'homme, l'intelligence. Il faut que l'ego te prenne quand ça passe. Pas qu'il vive. Fait que là, ça passe comme du monde. Ça fait ce que ça a fait de te mettre en cours. Le discernement, c'est l'administration de l'intelligence. Le discernement, c'est l'administration de l'intelligence. C'est l'application parfaite de l'intelligence. Le discernement. C'est extraordinaire, le discernement. Quand tu as du discernement, là, tu te sens comme un être total. C'est comme si tu étais sur une planète, là, puis elle t'appartient à la planète. Que tu ailles n'importe où, t'es bien. T'es jamais étouffé. T'as rien qu'à changer de place, c'est trop tard. Tu changes. Tu es toujours en mouvement, pas en mouvement.